une histoire particulière. Mai 1968, la gronde étudiante est lancée, le mouvement s'amplifie et la crise devient rapidement une crise sociale, puis une crise politique. Les lycées vont se mettre à leur tour en grève, le malaise d'une génération s'exprimera par de violentes manifestations, surtout parisiennes, autour du quartier latin. Mais la contestation est aussi verbale, s'épanouissant spécialement à la Sorbonne. Les slogans scandés par les manifestants permettent de mieux cerner leurs aspirations. Outre le CRSSS qui fera fortune, il y aura aussi le fameux « sous les pavés la plage » et le poétique « ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront pas la venue du printemps ». Vendredi 30 mai 1969. J'écris toujours. Je voudrais essayer de vous rassurer tous. Mais maintenant, je crois que c'est impossible. Tu te trompais quand tu me disais que la vérité grandit à l'ombre des prisons. On me retient ici pour des motifs que je ne comprends pas, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et je n'en peux plus de ne pas comprendre. J'envie les filles qui savent ce qu'elles ont fait, ce qu'on leur reproche. Je suis à bout de force, parce qu'on m'accable trop. Je ne sais plus où est le juste, où est le vrai. Je me demande pourquoi on me garde là. Pourquoi on me dit que je suis coupable. Je voudrais tellement comprendre de quoi. Je voudrais dormir, oublier. Au revoir. Je ne sais plus à quel revoir. Je ne sais plus. Mon père un jour m'a donné une valise avec quelques documents, dont des robes, parce que maman était une coquette. Elle aimait s'habiller avec beaucoup d'élégance, je crois. Donc j'ai retrouvé des vêtements, ce petit livre, un film que j'ai retrouvé avec Gabriel et Christian, donc tous les deux, et les élèves de maman, lors de sorties au sport d'hiver et en bord de mer. Mais j'ai retrouvé que très peu de documents, parce que dans la famille, on n'en parlait pas. Gabriel Russier, par-delà les barricades. Première partie, Mourir d'aimer. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Véronique Samouiloff. Comment était sa voix ? Sa voix était à la fois assurée et hésitante, comme toute sa personne d'ailleurs. Il y avait chez Gabriel un curieux mélange d'assurance, une présence très forte et parfois légèrement provocante d'ailleurs, et quelque chose d'un peu timide, mais on ne sait pas si c'était une vraie ou une fausse timidité, il y avait peut-être un peu de jeu dans cela. Mais vous savez, elle avait cette séduction très particulière des personnes qui paraissent en même temps, simultanément, timides et provocantes. Vous l'avez prise pour une nouvelle ? Oui. En fait, on a compris qu'elle était le prof quand on l'a vu prendre sa place. Je suis votre professeur de français et de latin. Asseyez-vous. Je crois qu'on lui faisait peur. Parce que c'était sa première classe. Alors, elle nous a donné tout de suite une rédaction à faire. Pour éviter d'avoir à parler ? Je crois, oui. C'est une histoire d'amour entre une enseignante de 32 ans et son jeune élève de 15 puis 16 ans. Dans un milieu qui, a priori, semblait plutôt ouvert. Les parents de Christian sont universitaires tous les deux, sont plutôt très à gauche. Et en réalité, face à une idylle naissante qui leur déplaît, les parents de Christian portent plainte. Corinne Bouchou, historienne. Et à partir du moment où les parents de Christian portent plainte, va se mettre en branle toute une démarche policière, judiciaire, administrative, qui va à la fois conduire Gabriel Russier en prison et qui va aussi révéler tout un certain nombre de dysfonctionnements de la société bien au-delà de Gabriel Russier, qui va en fait briser quelque part deux tabous forts de la vie enseignante. Un, on ne se lie pas d'amitié avec ses élèves, on reste dans une posture professionnelle avec une distance et évidemment, on n'a pas de relation amoureuse avec un ou une élève. Et donc, c'est tout cela que nous dit l'affaire Gabriel Russier, qui commence en fait avant sa mort, le 1er septembre 1969. Alors, qu'est-ce que vous avez récupéré d'autre dans cette valise ? Alors, j'ai les photos de mon père et ma mère se mariant. Valérie Nogue, fille de Gabriel Russier. Alors, maman est dans une très très jolie robe qui arrive juste en dessous le genou, en satin blanc, avec un joli manteau très très élégant. Et on voit son père et mon père sur cette photo. Elle est très belle et elle porte sa croix huguenote, puisque son grand-père, donc, à ma mère, était pasteur. Et elle a été élevée quand même dans le protestantisme de manière assez importante, avec une maman qui est quand même handicapée, avec une sclérose en plaques, ce qui fait que la vie n'est pas très très très joyeuse, je pense, dans son enfance, mais avec un père qu'elle aime énormément. Ils ont une complicité tous les deux extrêmement forte. Ensuite, j'ai pas énormément d'éléments quand même sur son enfance. Elle était éclaireuse. Et là, donc, je rapporte un petit document qui est un livre de chants et de textes qu'elle a écrit elle-même, avec une couverture cousue main, voilà. Et avec plein de petites images qu'elle collait sur son carnet. Et ce qu'elle aimait beaucoup, c'était y mettre aussi des citations. Par exemple, celle-ci que je trouve très jolie: « Que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une flûte de roseau, que tu puisses emplir de musique. » Voilà, ça c'est encore en 48. Et des photos de bergers, c'est trop joli. Là, il y en a un de 50. Alors, elle avait quel âge en 50? Elle est née en 37. 13 ans, elle avait. 13 ans, c'est ça. « C'est la nuit, tout se tait sur la plaine, les collines et les bois, c'est la paix, tout est bien, et Dieu vient. » C'est très joli parce qu'on retrouve, ça, nuit de Noël 68. Chris, je ne cessais de penser à toi. Chris, c'est Christian. Hein. J'aurais voulu me faire belle pour toi, rire avec toi. Je regarde encore une fois les lumières de la ville, mais tous vous êtes loin. C'est Catherine, Edith, Luc, je suppose que ce sont les élèves de maman. Tu reviens demain, mais ce soir, dors-tu à Saint-Nicolas avec ton air de gosse. Je ferai tout pour que l'an prochain, nous soyons ensemble. Si les dieux le veulent bientôt, le jour de ton anniversaire, on allumera les bougies et on boira le champagne de tes 17 ans. Songes-tu en cette nuit de Noël à toute la tendresse du monde ? Songes-tu aux gosses du Vietnam et de Cuba ? Et sache que je t'attends, Père Noël, que je pensais à ta solitude, que j'avais envie de crier. Au-delà des collines illuminées, je pense, Chris, je t'aime, n'est pas mal, attends-moi. Et c'était dedans. Elle a dû l'écrire pendant qu'elle était en prison, je suppose. Hein, il était en Noël 68. Gabrielle se marie très tôt avec un ingénieur. On croit comprendre que peut-être les parents trouvent que c'est un peu tôt, mais en tout cas, elle l'épouse et elle suit son mari. C'est un itinéraire assez classique, en fait, dans ces années-là. Corinne Bouchou. Ils vont partir vivre au Maroc et Gabrielle va enseigner dans un collège marocain. Elle va prendre position fort courageusement contre la colonisation, ce qui lui vaudra d'ailleurs quelques soucis. Et ensuite, lorsque le couple va revenir en France, l'entente n'est plus la même et progressivement, le couple va, on va dire, prendre des chemins divergents jusqu'à ne plus vivre ensemble. Gabrielle Russier va reprendre des études et elle va préparer l'agrégation de lettres qu'elle réussira à la deuxième fois, brillamment, avec des fort bonnes notes. Et donc, elle est une jeune enseignante qui débute dans un lycée des quartiers nord de Marseille. Et donc, c'est une enseignante, on va dire, qui a déjà deux jeunes enfants, qui donc est à la fois mère de famille, séparée de fait de son époux, et qui a choisi un métier qu'elle aime profondément. Elle aime la littérature, elle aime enseigner. Et donc, c'est une enseignante qui en est à ses débuts, passionnée parce qu'elle doit transmettre aux jeunes et par un lien qu'elle va essayer d'instaurer avec ces jeunes, un lien de confiance, qui repose sur un dialogue qui peut-être n'est pas celui qui est avant les années 68 dominant. Elle fait participer ses élèves dans la classe, elle leur fait faire des exposés, elle leur fait écouter de la musique et elle va très vite, on dirait aujourd'hui, fréquenter ses élèves, en tout cas une dizaine d'élèves avec lesquels elle noue une relation de confiance. C'est vrai qu'elle vous emmenait au bistrot après les cours ? Pas dans les premiers temps, à la fin du trimestre. On discutait. Moi, je trouve qu'on devrait parler de fric en classe dès la sixième. Il y a plus important quand même. Quoi ? Les femmes ? C'est quoi l'important ? Ben, le plus important, ce serait d'apprendre à dire la vérité. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Mais tout le monde. Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Ben, je n'ai jamais osé dire que j'admirais Louis XIV, par exemple. Il faut oser. C'était difficile, les relations entre ma mère et moi. Valérie Nogue. J'avais peur de maman, ce qui fait que je mentais. Puis comme ça se voyait vraiment, à mon avis, sur le bout de mon nez, ça la mettait très en colère et elle était très sévère avec nous. Voilà, alors ça aussi, son éducation protestante, je pense, a imprégné notre éducation, puisque nous avions une éducation qui était extrêmement sévère. Même mon père, qui était quand même pourtant pas quelqu'un de très doux, m'a dit « ta mère était vraiment quelqu'un de très sévère ». On ne parlait pas, ce qui est d'ailleurs assez ambivalent par rapport à ce qu'elle proposait, elle, par contre, dans ses cours, où là, il y avait une liberté, je pense, de ton et une affection qui était, avec ses élèves, assez importante. Mais avec nous, c'était beaucoup plus rigide. Oui, d'ailleurs, vous avez des souvenirs de rencontres chez vous avec les élèves. Vous en pensiez quoi quand voilà. Vous voyez ? Alors moi, par contre, j'étais très contente quand ils étaient là, parce qu'il y avait un climat joyeux, un climat de sérénité surtout, et un climat musical qui, moi, me plaisait beaucoup, parce qu'à la maison, quand même, j'étais plutôt quand même dans une atmosphère pas très très joyeuse, seule dans ma chambre. Et Anne me racontait dernièrement, une de ses élèves, Anne me disait, quand tu venais, tu t'approchais de la salle à manger avec ton petit sourire et tu venais voir ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on sait, Corinne Bouchou, de sa rencontre avec Christian ? On en sait assez peu de choses. On sait surtout ce qu'en dit le jugement. On pense qu'en réalité, ils se sont appréciés assez vite. On pense qu'ils ont manifesté ensemble pendant le mois de mai et on pense que pendant les événements de mai-juin, leur relation est devenue une relation amoureuse et qu'ensuite, ils vont se voir assez souvent. Et Gabriel va essayer, et c'est peut-être là le nœud de l'affaire, va essayer d'avoir l'assentiment, l'approbation des parents de Christian. Et c'est là où très vite les choses ont mal tourné. Le père de Christian va demander que cela cesse. Et ensuite, j'allais dire, les ennuis vont commencer. Et quand on regarde la chronologie de cette histoire d'amour, on va dire que le bon temps aura été bien bref à côté du temps des souffrances et des ennuis très graves pour Gabriel et pour Christian. Quatre vents, tous les enfants du monde. Vous connaissez son âge ? Vous l'avez vu ? Quelle question ! Je n'ai pas besoin de l'avoir vu pour savoir que c'est un mineur. Pour moi, c'est un homme. Jeune. Je l'aime. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez. C'était un homme, un jeune homme, avec une barbe, très beau, en plein dans l'enthousiasme de toute cette période qu'on pensait arriver, de liberté, de nouveauté. C'était pas du tout un frêle adolescent de 16 ans. En mai, tous les enfants se sont pris pour des hommes. Mais la loi est restée la loi. La loi. J'ai un code à moi pour les gens que j'aime. Ça finit mal, ça finit bien, tendre et cruel sont les enfants. Par rapport à Christian, qu'est-ce qu'elle vous dit? Comment ils se sont connus et... Elle me dit qu'ils se sont rapprochés pendant les manifestations de mai et que Christian, je pense, était quand même beaucoup plus libre que la plupart des jeunes du groupe et pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Et elle m'explique qu'ils sont partis, qu'ils ont pu partir pendant l'été en vacances en Italie tous les deux, couverts quand même par un autre camarade qui était là pour couvrir un peu les vacances du couple. Mais pas plus, et j'en saurai jamais plus. Les parents de Christian, semble-t-il, sont plutôt à gauche, même proches du Parti communiste. Et donc, quelle attitude ils vont avoir, Corinne Bouchoux? Puisqu'ils ne parviennent pas à mettre fin à cette relation amoureuse, ils vont choisir un moyen qui peut-être par la suite leur a échappé dans les suites. Ils vont porter plainte pour détournement de mineurs. Et même si cette relation est consentie, c'est bien dit dans le jugement que j'ai relu, le fait qu'il ait moins de 18 ans, le fait qu'elle soit son enseignante aussi, c'est quelque chose qui a posé problème. Et même s'il était consentant, à partir de ce moment-là, il y a une plainte. La police va enquêter, un juge d'instruction va enquêter sur cette histoire. Donc là, on est fin 68 à peu près. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça va très vite. 16 mai 1969. Lettre de Gabriel Russier à Raymond Jean. Vous savez, je n'ai pas oublié notre projet de déjeuner à l'Estac, mais j'ai déménagé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Me voici logé depuis le 25 avril en l'hostellerie des Baumettes. Il y a eu des hauts et des bas, surtout des bas. Mais maintenant, ça va. La solitude, enfin. La possibilité de se fermer au monde extérieur, si je puis dire. De rester en tête à tête avec ses souvenirs, avec soi. Depuis 3 jours, je retrouve avec ma solitude une relative liberté. En fait, Christian est en fugue de chez ses parents. Et donc, les parents sont très inquiets. Et donc ça peut expliquer la position du juge qui, juste avant la fin de l'année 1968, avant Noël, va convoquer Gabriel. Et à défaut d'avoir l'adresse où est Christian, à défaut d'avoir la certitude qu'il rentrerait très vite à la maison, eh bien, il fait emprisonner à Marseille Gabriel Russier en préventive, uniquement pour faire pression sur elle. Ça, c'est son premier emprisonnement. Ensuite, il y aura un second épisode d'emprisonnement qui va commencer en avril et qui se terminera à la mi-juin 1969. Donc là, elle fera 8 semaines de préventive alors qu'elle n'a pas vu Christian depuis 3 mois. Et là aussi, elle est emprisonnée parce que Christian ne veut pas docilement rentrer chez ses parents. Donc en fait, on utilise là la détention préventive pour faire pression sur Gabrielle, pour qu'elle fasse pression sur Christian. Et à ce moment-là, la justice est en marche. Rien ne transparaît, rien du tout. On ne me tient pas au courant de ce qui se passe. Par contre, mon frère est au courant, lui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va aller, lui, chez la gardienne au moment où maman est en prison, je crois, la première fois. Et moi, je vais ailleurs, et je pense que je vais en pension, justement, à la Palette, côté d'Aix-en-Provence. Et ensuite, au mois d'avril, quand elle y retourne, là, je vais dans une colonie en Savoie, où je suis pas plus au courant à cette époque. C'était horrible, cette colonie. J'ai un souvenir épouvantable de... C'était mené par des sœurs qui étaient extrêmement sévères. J'avais rapporté une bêtise sans doute d'un camarade et j'ai eu le droit à l'écriteau « Je suis le facteur » dans mon dos pendant une journée entière. Enfin, c'était atroce, quoi. Vendredi 30 mai 1969. Lettre à Raymond Jean. Ne m'en veuillez pas, je suis à bout de force. Parce que la lucidité et la compréhension des choses et des êtres ne m'ont servi à rien. On me répète par les papiers que je reçois que je suis coupable. Et j'en arrive à envier ceux qui le sont vraiment et qui rient dans la cour. Je ne pourrai plus jamais rire. On a fait une montagne avec rien. On me garde ici pour des faits très anciens, nullement répréhensibles. Je n'arrête pas d'essayer de comprendre. Je tourne dans ma tête les idées les plus noires. Je ne sais plus raisonner, réfléchir. J'ai peur pour les enfants, j'ai si peur. Ils étaient habitués à me savoir là, toujours, fidèlement, même triste, même désemparée. On sent dans les lettres de Gabriel et on sent dans la façon dont sont déroulés les événements que Gabrielle Russier est une femme de principe. Et donc, elle ne veut pas céder à quelque chose dont elle ne comprend pas la logique. Oui, il y a vraiment de cela chez elle. Et donc, elle a un comportement avec le juge qui peut être, avec le recul, peut ne pas sembler très habile, effectivement. L'affrontement a été vif. Après, il faut aussi se souvenir du contexte. 1968, il est interdit d'interdire, il faut aimer sans entrave. Et là, on lui reproche juste d'avoir aimé quelqu'un qui était d'accord. On peut aussi comprendre qu'elle était attachée à des principes forts. Elle n'avait que trois attitudes. Ou bien ça se passait en silence et en douceur, avec des accommodements qu'on lui a proposés. Michel Del Castillo, 1970. Ou bien elle vivait ce qu'on a appelé d'une façon opportuniste une aventure, en fin de compte, relativement simple. Par exemple, c'est un reproche qu'on lui a fait une grande journaliste parisienne dans un hebdomadaire entre guillemets de gauche. Elle lui a dit, si elle avait été effectivement adulte, elle aurait rusé. Ce qui voulait bien dire, pour vivre dans un monde comme le nôtre, vaut mieux ruser pour garder son amour plutôt qu'arriver à... Or, elle a choisi la troisième solution, qui était évidemment la plus difficile, la plus dure, qui était de dire, vous prétendez que je suis coupable et je ne ferai surtout pas le cadeau de vous dire que je le suis. Et c'est en ce sens-là qu'elle avait d'ailleurs une dimension très supplémentaire et très de femme libre. Que dit la loi en 1968, Corinne Bouchou ? Écoutez, la loi est j'allais dire, implacable. Il y a un majeur et un mineur. Elle est majeure. Il y a le mineur. En théorie, évidemment, Gabriel est punissable. Après, ce qu'il est intéressant de faire, et c'est ce à quoi avait œuvré son avocat à l'époque, c'est de consulter la jurisprudence et de voir, en pareil cas, lorsque... on est assuré du consentement du plus jeune, enfin vraiment on n'est pas dans un cas d'agression, que dit la jurisprudence ? Et là on s'apercevait à l'époque que la justice était beaucoup plus clémente pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire qu'il valait mieux être un homme en étant accusé avec une jeune femme de plus de 16 ans que l'inverse. Et là la jurisprudence était clairement statistiquement très défavorable à Gabrielle Russier. Le doyen d'une faculté devient amoureux de son élève qui a 17 ans. Elle est amoureuse de lui. Maître Naud, avocat de Gabrielle Russier, 1971. Puis un jour, la femme vient au domicile et trouve deux paquets de lettres entourés de faveurs bleues l'un, de faveurs roses l'autre. Ce sont les lettres des deux échangés qu'ils ont mises là. Elle ramasse le tout. Et le mari demande le divorce pour se libérer de cette vieille femme. Et puis, la dame en question me demande de plaider pour elle. Je plaide à Paris. Et je raconte ses amours de monsieur le doyen qui a 60 ans et de son élève qui en a 17. Je le procureur à l'audience et tout souriant. Je trouve ça très amusant. Oui, c'est très amusant. Et j'obtiens que monsieur le doyen soit débouté de sa demande en divorce. Il fait appel. Nous montons aux instances supérieures où la dignité est encore plus grande. Je replaide. On a plaidé, le jugement est rendu, monsieur le doyen est débouté une fois de plus, et c'est tout. Pas de poursuite, personne ne s'avise de dire « mais attention, il y a un détournement de mineur, pas du tout, parce que c'était monsieur le doyen, ça aurait été madame la doyenne avec ses jupons et le garçon de 17 ans, oui, ça filait dans le correctionnel, c'est la différence. » Monsieur le doyen, toujours doyen ? Il n'est plus que ça, il est le recteur. Lors de son procès, le 10 juillet 1969, le procureur requiert 12 mois de prison ferme. Mais en fait, elle sera condamnée à 12 mois avec sursis et 500 francs d'amende, c'est oui, ça ? Tout à fait. Ouais. Quelque part, la sanction, elle est claire, elle est forte. Néanmoins, elle n'est pas d'une sévérité absolue, pas de circonstances aggravantes et elle ne va pas plus loin. Et d'ailleurs, cette sanction paraît tellement douce à certains que le procureur va faire appel à minima. Et là, ce qui est étonnant dans ce cas de figure, c'est d'abord la rapidité de l'appel. C'est vraiment, Gabriel n'a pas le temps de souffler quelques heures et très vite, il y a la demande de refaire un procès. Disons quand même que la chose là-dedans la plus pénible dans cette affaire, c'est l'acharnement manifesté par la magistrature avec cet appel à minima. André Cayatte, réalisateur, de mourir d'aimer. Jusque-là, ils s'étaient comportés un tout petit peu, les magistrats, comme des robots. 1971. Or là, brusquement, apparaît la passion. Et ça, évidemment, c'est une dimension du film qui, je crois, est une suite des événements de mai 68 qui ont troublé dans tout le monde et dans tous les sens. Et je crois que ce sont les gens, surtout, qui ont eu le plus mauvaise conscience à ce moment-là, qui ont réagi avec le plus de vigueur après. Mais disons qu'il y a ce parfum, pour ne pas dire cette mauvaise odeur dans cette affaire. Son enjeu, ça va être de savoir est-ce qu'elle va avoir une peine suffisamment faible pour lui permettre de continuer à exercer ce métier qu'elle aime beaucoup et surtout qui est son gagne-pain. Et en plus de ce choc de l'incarcération, il y a la préoccupation très importante de ses enfants. Que va-t-il advenir de ses enfants? Et puis surtout de cette épée de Damoclès très forte qu'elle perçoit de mieux en mieux de cette condamnation à la fois inepte pour elle, mais dont elle voit bien les conséquences, c'est-à-dire de faire exploser toute sa vie. On est au-delà de cette histoire d'amour avec Christian. 1er août 1969. De la recouvrance. Lettre de Gabrielle à son ex-mari. Pour le procès, on ne sait pas si c'est le procureur qui s'est mis en colère contre l'avis du tribunal ou si c'est venu de plus haut. Mais la situation est très grave pour moi, pour les enfants. Car si je suis vidée de l'éducation nationale, ce qui semble probable, même si j'étais amnistiée, j'aurais juste de quoi vivre 6 mois, à cause des impôts, frais de justice, loyers, etc. J'essaie de t'expliquer, mais c'est encore plus compliqué que ça. Ce procès est devenu invraisemblable. Tout le monde l'a dit. Je ne comprends plus rien de ce que j'entends, ni de ce que je lis. Je suis tout abîmée intellectuellement et physiquement. Et je voudrais tant que les enfants survivent et échappent à tout cela. Robert m'a envoyé leurs photos. Valérie est toute belle. Je compte sur toi pour les enfants. Mais ils ont besoin de toi maintenant. Je ne suis plus bonne à rien. Tu ne peux pas savoir l'effort que je fais pour t'écrire. Je voudrais tellement t'expliquer. Je n'y arrive pas. Je suis perdue entre toutes ces indications contraires qui viennent de partout. Je n'en peux plus, Michel. Je t'embrasse désespérément. On sait juste qu'elle s'est suicidée au gaz, qu'elle avait bien tout colmaté chez elle pour qu'elle soit asphyxiée, mais qu'il n'y ait pas notamment d'explosion. Je crois qu'elle avait... visiblement m'attendit l'électricité. La seule chose qui reste un peu une énigme, c'est qu'il y avait 2 petites tasses de café qui étaient sur une table. Est-ce qu'elle attendait quelqu'un ou est-ce que quelqu'un est venu la voir et elle s'est suicidée à la veille du procès en appel. Je crois que c'était un dimanche, le 1er septembre 1969. On peut se demander d'ailleurs si cette histoire d'amour brisée et si cette répression très forte contre Gabrielle Russier n'est pas aussi quelque part un exemple du retour à la normale. Une histoire qui commence sous les auspices des événements de mai, il y a quelque chose de symbolique aussi du retour à l'ordre que veut imposer le pouvoir politique. En ce sens, Gabrielle va devenir un symbole extrêmement emblématique et extrêmement dramatique de ce que fut le retour à la normale. La préfète a été difficile. Gabrielle Russier, par-delà les barricades. Fin de la première partie. Mourir d'aimer. Avec Valérie Nogue et Corinne Bouchou. Lettre de prison de Gabrielle Russier, lue par Annie Girardot. Extrait de Mourir d'aimer, réalisé par André Cayatt, 1971. Documentaliste, Annelise Signoret. Archive INA, Viviane Lefebvre et Sandra Escamez. Prise de son, Sandrine Malon et Nasser Moussaoui. Mixage, Catherine Dereté. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Véronique Samuilov.